se déconnecte, c'est le verre de trop. 6h du mat, je suis piéton, obligé de prendre le trou. Je m'en fais pas, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et j'ai du mal, quand mes neurones se déconnectent, c'est le verre de trop. Je perds mes repères, vois ma cible se barrer dans le rétro. M'arrive, se noyer dans la tisse, consumé dans le béton. Du mal à dormir, j'attends que mon fer resserre les taux. J'fais mon scarfire dans mon hall, entre les crachats, les cafards. Vache-t'en dans la main droite quand on rôde. Ça parle de tout, de rien, de coups, de reins, de flouze, de joint. Lâche des 16 à tour de rôle. Les escaliers de la tour en guise de banc. J'ressasse mes blames pro et j'deviens furax alors qu'ils me demandent. Me coupe pas, j'suis en tête à tête avec mes songes. Mais à coup de pas, demain j'arrête toujours le même mensonge. J'me réveille avec un mal de vache, un tas de cadavres. J'ai vu mes rimes se noyer dans une mare de bush. Breuvage de chétan. Trop souvent j'ai le verre de trop et j'ai du mal à le digérer comme une peine de tôle. Un petit cul sec à la santé d'une pierre de coupe. Une grosse taille pour vider ma paire de couilles. Comme d'hab, y'a pas de feu, même et de quoi fumer. Ça pue la fumette. Un verre de trop et une petite prod. On est tous à la fumec. Sous collage, je dresse moi-même pour rapper. J'suis pas dans le game pour rappel. Appelle-moi l'application Punchline pour appel. Pendant que les frères se pètent le crâne au bédo. J'ai beaucoup de bêtises comme Beda. Demain, j'arrête de teaser pédave. Fonce dès, j'perds les pédales. J'peux pas m'arrêter. J'suis bruyant comme le sport Arrêta. Dealer la colite samedi soir. Alcoolique, préviens ton colocataire. Whisky partout, pas qu'à terre. Des capitis, j'me tire, dis-moi si j'ai tort. Mes neurones se déconnectent, c'est le verre de trop. 6h du mat, j'suis piéton, obligé de prendre le trou. J'm'en fais pas, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et j'ai du mal quand mes neurones se déconnectent, c'est le verre de trop. J'perds mes repères, vois ma cible se barrer dans le rétro. Ma hive se noie dans la disque, consumée dans le béton. Du mal à dormir, j'attends que mon fer resserre les taux. Et je lève mon verre à la descente de la chronique. J'ai vu des sons perdre se buter à la chromec. J'suis accro, ouais. À chaque fois c'est la même. Tous les soirs c'est la merde. Coupé Sky c'est le remède. Posé en SOA, j'tise le verre de trop. Trop souvent j'me trouve faillard et j'en perds mes mots. Mais n'essaie pas de me raisonner, j'ai ma vodka polonaise. À croire qu'y'a que dans la taille que je crame mon oseille. Gère seul tout, entre les voyelles, les consonnes. Et j'parle de tout, avec les cheveux que j'consomme et j'consume. Les mots, le rap, ma thérapie, l'alcool m'a terrassé. Depuis que j'ai démarré ma vie. Quand mes neurones se déconnectent, c'est le verre de trop. 6h du mat, j'suis piéton, obligé de prendre le trou. J'm'en fais pas, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et j'ai du mal quand mes neurones se déconnectent, c'est le verre de trop. J'perds mes repères, vois ma cible se barrer dans le rétro. Ma rive se noie dans la disque, consumée dans le béton. Du mal à dormir, j'attends que mon fer resserre les taux. Besoin d'un petit flash, d'un coupé, des pistaches comme soupé. Quand j'tis ça en freestyle, j'te dégueule mes couplets. Une coupe pleine, c'est la rime de trop qui fait des bordels. 16 écoutes, frère, prostré médusé, j'entends ma énième taille. J'noie ma NS piègle. Du moins, c'est ce que j'fais croire, il se fait tard. Même en se cotisant, on va manquer d'espèces. Mais faut tester, j'connais la route de la soif. Donc j'roule à l'arrache, nerf à l'muse dans tes baffes. Dans tes baffes, envoie le sky, j'rien que tube, il faut que j'tise vite. Vise la mille, artise m'anime, le regard vite, j'évite les flics. Car c'est rare de se mettre la mine en milieu. Carcéral, on gage mes cartes, tape des jacks, un verre de trop, c'est quoi les balles? Et ça tourne, poteau, ça tombe, baisse la santé. Des verres descendus des centaines, quand l'amertume te laisse sentier. Pas verre de trop, sens-tu que ça tape sur le tas, une taille et plus de 100 taf. Et ça, quand t'en tues ça, trop disais, quand t'en tues ça, poteau, la côte est vendue. Proche du sap, bizarre, samedi santé, il trouve ça bizarre. Schizo sans buzz, parle à mon flash et ma pizza. Ça pue la pisse, ça empire sale. Un verre de trop, peut-être que la douleur m'attrape. Et traître, et le sourire relève, ratera. Vers les veines coulent les litres entre mon mal-être et mes lettres. Et bordel, un bout de pète, une bouteille, je me clash comme dans les battles. Je m'endors soir, ce c'est mortel. Délire, j'ai loupé le thème, je finis ma soirée sur mon tel. Quand mes neurones se déconnectent, c'est le verre de trop. 6h du mat, je suis piéton, obligé de prendre le trou. Je m'en fais pas, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et j'ai du mal quand mes neurones se déconnectent, c'est le verre de trop. Je perds mes repères, vois ma cible se barrer dans le rétro. Ma rive se noie dans la disque, consumée dans le béton. Du mal à dormir, j'attends que mon fer resserre les taux. Quand mes neurones se déconnectent, c'est le verre de trop.